mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons en gare de Marseille-Saint-Charles. Avant de descendre, veuillez vous assurer de ne rien laisser à votre place. Nous vous souhaitons une bonne journée. Il s'était juré de ne pas dormir. Le trajet n'était pas assez long pour ça. Mais évidemment, il n'a pas tenu. Et s'est réveillé la joue complètement anesthésiée quand le train a commencé à ralentir. Paname le matin, Marseille le midi. Cette gaufrette était dégueulasse. Tout ça pour essayer de rester éveillé en regardant le paysage. Oh, ça part pas. Il a déjà envie de rentrer. D'autant qu'il fait chaud. Mais il sait que ses fringues vont coller. Putain, pourquoi je me suis endormi? Ma veste est froissée. Ma chemise, elle colle. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il a envie de balancer sur la voie le sac déjà lourd qu'il transporte avec lui. Il l'a acheté récemment pour que ça aille avec son déguisement. C'était dit que le cuir, ça faisait bien. Mais si c'était à refaire, il en prendrait un avec une putain de bandoulière. Ça m'emmerde d'être en costume. Mais ça, c'est le travail. Il ne supporte pas les branleurs qui se plaignent des contrôles aux faciès et qui se baladent en jogging. Depuis qu'il s'habille comme ça, il a compris le truc il y a déjà une bonne dizaine d'années. Il s'est fait arrêter une seule fois, pour téléphone au volant. Aucun rapport. Aucun. Son camouflage est infaillible. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Signalez tout colis vos bagages qui sont abandonnés. Là-bas, c'est Marseille, de Jérémy Guèze, adapté et réalisé par Michel Sidorov, avec Olivier Cruveillé, Daniel Carraz, Martin Amic, Marc Léonian. Il n'a pas demandé à ce qu'on vienne le chercher à la gare. Au cas où les types seraient pistés, il veut éviter de se retrouver sur les photos. La paranoïa, c'est la seule maladie qu'il entretient. Première fois que je viens. Avec mon téléphone prépayé, pas de GPS. Pas facile. Pardon, madame. Le port, c'est par où? En bas des escaliers, vous continuez à descendre, et c'est au bout à droite, par la Canebière. Vous n'avez qu'à suivre les rails du tramway. Ah, merci. Jamais de smartphone pour le boulot. Il se méfie des cartes à puce. Il a envoyé un rhum acheter son billet, en liquide aussi, comme pour le téléphone. Personne ne doit savoir qu'il est ici. Ça ressemble à Naples, mais en moins bordélique. Il y a été une fois pour le business, l'année dernière. Ça y est, j'ai chaud. Il sait pourquoi. Il a un petit gilet pare-balles de fabrication tchèque, scotché avec du double face à même la peau. Il retire sa veste. Perdu. Ah non, les rails du tramway. Gagné. C'est parti. J'espère que je n'ai pas fait le déplacement pour rien. La veille, tout allait bien. Une journée normale. Réveil à 6 heures pour aller courir. 1 heure, sur tapis. pas de raison de bouffer des particules fines. Il a ensuite enchaîné les rendez-vous, assis devant un ordinateur dans différentes boutiques, là où personne ne peut remonter jusqu'à lui. Il a sa ronde, aléatoire. Un salon de coiffure afro à Château d'Eau, une épicerie tamoule à Little Jaffna, un dim soup shop à Belleville. Jamais les mêmes endroits. Quelques minutes d'informatique, là où il se sait le plus anonyme. Il prend un accent étranger et il tend un billet de vin au premier employé qu'il trouve, de préférence une femme, en lui disant qu'il a besoin d'envoyer un mail. Il ne bosse que 2 jours par semaine. Le reste du temps, il le passe à faire en sorte qu'il ait ses 2 mêmes jours la semaine suivante. Pas d'horaire. Seulement, son petit truc à lui. Ne jamais aller déjeuner quand on a fait rentrer moins de 50 000 euros. Parfois, il passe la journée à jeûner. Hier, il a été bouffé à 11h30. Sa marche à rebours. Crise pour les autres. Pour lui, les affaires, pleine balle. Ce n'est pas ça qui lui fait tourner la tête. Il roule en Clio comme un commercial lambda. Café, brasserie, studio en petite couronne et appartement Haussmannien à Paris. Il ne laisse rien à la banque, même si c'est en Suisse. Et dès qu'il peut trouver un moyen d'acheter de la pierre avec son argent, il le fait. Ça prend du temps. On peut blanchir beaucoup d'un coup, mais on prend des risques. Il fait lui-même ses lessives. À trouver des prête-noms de prête-noms de prête-noms, des déjà morts et des jamais vivants. Dès qu'on délègue, qu'on se repose, les problèmes arrivent. Le type qui l'emploie à Marseille bosse bien. Et comme il n'est pas question de lui voler de l'argent, il se trouve qu'il est jusqu'ici plutôt honnête. Est-ce qu'il lui fait confiance ? Bien sûr que non, pas plus à lui qu'à un autre. C'est juste qu'il ne lui laisse pas d'occasion de le carotter. Il n'avait pas de transaction prévue cette semaine là-bas. Juste du matos qui rouille quelque part en attendant que quelqu'un se manifeste. Dans la cabine téléphonique, chaque semaine il en change et envoie le numéro à ceux avec qui il travaille. Ça faisait une demi-heure qu'il attendait, pris d'une furieuse envie de pisser. Allô ? Allô ? Ouais. On a eu un petit souci. Le matos a été braqué. En pleine nuit, ils ont vidé le box. Et franchement, je vois pas qui ça peut être. Des minots qui pensaient voler une bécane, ou des Russes qui donnent mal à la dépouille, je sais pas. Bon, je vais venir. Écoute bien. Tu vas suivre exactement ce que je vais te dire. Je vais choisir un resto. Il ne faut pas que tu aies l'air de me connaître. Compris ? Ouais. Et tu ne s'assoiras pas en face de moi, ok ? D'accord. Putain, pas Marseille, tout sauf ça. Parce que si c'était ailleurs, dans une ville étrangère à plus de 20 morts par balle par an, alors il laisserait tomber. Mais voilà, le sud fait partie de son territoire. Alors, il est bon pour la fournaise. Il y est. Le porc. Vu son nom, il s'attendait à le trouver dans un bien pire état. C'est plutôt propre et moderne, finalement. Il lève la tête pour trouver le bon restaurant, là où il doit retrouver le mec. Il n'était pas trop mal noté sur Internet. Il paraît que le poisson y est frais. Pour le reste, un filet d'huile d'olive suffit. Il ne mange jamais rien de trop assaisonné. Ça lui coupe la digestion et l'empêche de penser. Va pour poisson. Si c'est bon, je mettrai une bonne note sur le site. S'il n'aime pas, ça en restera là. Il n'a pas mauvais esprit. Ça, c'est le temps. Thank you. Bonjour, monsieur. Oui. Un faux nom, celui qu'il a donné la veille depuis un taxiphone rue de Lorient. Il a toujours le même mode opératoire. Il a réservé une autre table à côté de la sienne pour son rendez-vous du jour. Là aussi, sous un faux nom. Il ne s'assoit jamais face à un type avec qui il bosse en public. Il est un peu en avance. Profite des 10 minutes qui lui restent pour passer le premier appel de son nouveau téléphone. Allô, Stéphane. En croate. Ovde Miloš. Kako ide fami? Dobro je. Ovde ima posao. Poklon za Dunja je dobrodošao. Ona je srećna. Ona se zafali. Il a appris la langue. Pour le boulot, c'est plus facile. Il s'exprime quasiment sans accent aujourd'hui. Il galère pour toutes les autres langues. Mais le croate, ça va. Il aurait pu se contenter de parler en anglais, mais c'est toujours mieux de parler la langue des fournisseurs. En Afrique, il a vu des Chinois parler peul, alors il peut bien faire un effort. Il voit le type arriver à des kilomètres. Joncaille et gel dans les cheveux. Freddy. Avoir sa gueule, ça doit être son vrai blaze. Il le regarde parler au serveur, puis se diriger vers la table, un grand sourire aux lèvres. Il n'a rien compris, putain. Il hoche la tête, piégé. Il se demande pourquoi il a passé 10 minutes à expliquer au type ce qu'il fallait faire et ne pas faire. L'autre a l'air sincèrement content de le voir. Se fait une joie de savourer une bonne bouffe avec lui. Oh. Tu as commandé ? Non. Il fait un geste au serveur. Alors, messieurs, vous avez choisi ? Des encornets. Deux. Très bien. Il commande des encornets. Deux. C'est quoi ce que tu as commandé, là ? Des encornets. Et, c'est quoi ? C'est le nom vernaculaire du calamar. L'autre hoche la tête. Alors c'est évident qu'il ne comprend plus rien. Ne peut pas s'empêcher de le regarder comme s'il débarquait de Mars. Mais pourquoi tu rigoles? Mais en vrai, je t'imaginais pas comme ça. Tu m'imaginais comment? Ben je sais pas, mais pas comme ça, quoi. Et tout sauf ça, quoi. Chez moi, je me fais pas remarquer. Oh, mais ici, mon frère, on voit que toi. Après tout, ça commence toujours comme ça, un déjeuner d'affaires. Par des conneries, pour détendre l'atmosphère. T'as trouvé qui nous a fait ça ? Non. Comment ça, non ? Pourquoi je suis là, alors ? Enfin, si. Je suis presque sûr de qui c'est, mais j'ai pas encore trouvé les gars. Ça veut dire quoi ? Il y a des types qui ont proposé des cabous à des mecs de chez moi, voilà. Mais ils m'en ont parlé direct. T'es sûr que c'est les nôtres ? Non. Un blanc. Il regarde Freddy, sans avoir le début d'une idée de la façon dont les choses s'ordonnent dans son monde. Mais il y a des chances. Les locaux respondent. Pour la première fois, une étincelle traverse les yeux de son interlocuteur et il se dit qu'il n'est peut-être pas si à côté de la plaque après tout. Bon. La transaction se fait ce soir. Je mets une équipe, on les laisse dealer et on les sert tranquille. Les plats arrivent. Freddy commence à manger. S'en fout partout. Voilà. Les tensions dures, sans déconner. Hein. Putain, il y en a qui vendent des décalages chinois à moins de 2000 balles. Moins de 500 balles, même. L'11 43, ça marche plus. Faut des C16, des Scorpions, je sais pas moi, des Uzi, tu vois. Tu sais, je connais. Putain, ça me fait plaisir de rencontrer le mec avec qui je bosse. Mais je m'attendais pas. Alors, vraiment pas, hein. Parce qu'il ressemble à ça, tu vois. Un mec avec le costume et tout, tu vois. Un mec de genre. Café passe mal sur le poisson. Peut-être pas si frais que ça. Tu connais Marseille un peu ? T'es déjà venu ? Il secoue la tête. Bon. Il connaît le son, il le balance dans ses écouteurs à la salle de sport. Tu connais ? Sérieux ? Ah, ça fait plaisir ça. J'espère qu'il a rien dans le coffre, même pas un peu de zette là. Le mec attire clairement les gyrophares. Ne bosser qu'avec des muets dorénavant. Si seulement c'était possible. Il a rencontré Freddy sur Internet. Le bonhomme sortait du HEPS et cherchait du travail. Il n'avait pas eu confiance, trop gros pour être vrai. Ça sentait les hnouches à plein nez. Le brigadier planqué derrière son clavier qui fait des fautes d'orthographe exprès pour passer pour un mec de quartier. L'hameçon, évident. Il avait quand même voulu aller jusqu'au bout. Et il s'était planté. Le mec sortait bien des baumettes. 2-3 recommandations de type qu'il avait croisé en calèche, une première cargaison dans la région. Freddy n'avait pas à manipuler d'argent. Les armes arrivaient des Balkans, transitaient par la Grèce avant d'être expédiées à Marseille. Lui n'avait pas à payer Freddy, qui touchait directement sa com du client. 10%. Propre. Impossible de remonter jusqu'à lui, qui dirigeait tout depuis Paris. La seule preuve de son existence, quelques lignes échangées sur un serveur hébergé en Albanie. Ça le faisait rire d'imaginer une brigade d'Interpol accompagnée d'un traducteur véreux à la chasse dans les Alpes dinariques. Il n'avait jamais eu à rencontrer Freddy et ne voulait pas que ça arrive un jour. Mais pas facile de tenir le pavé sans quelqu'un de respecté sur place. Le jour où ça partira en couille, il sera bien content d'avoir un fusible qui ne sait rien de lui, prêt à se faire rafaler en sortant de chez lui par un tireur installé à l'arrière d'un GP-800 qui guette sa proie, comme un surfeur attend la vague. Et comment tu as commencé ton business ? Ouais. Non, mais je veux dire, pourquoi t'as pas fait de la cam comme tout le monde ? Est-ce que tu sais ce que c'est le produit le plus contrefait dans le monde ? Comment ça ? Le produit qui est le plus de fois imité. Ah ! Je sais pas, moi. Les Rolex ? Non. Les sacs Vuitton ? Non. Bah, quoi alors ? La Kalachnikov. Ah ! Ça te donne une idée de la taille du marché et de pourquoi je suis entré là-dedans. Au début, il s'était vaguement fixé des règles. Des règles à la con. L'éthique quand on vend des armes, c'est toujours bizarre. Mais bon, on trouve toujours des trucs pour s'arranger avec la réalité. Pour se dire qu'on n'est pas un salaud et qu'on fait quelque chose de logique puisqu'on vend ce que les gens achètent. Et si c'est pas moi, alors c'est un autre et blablabla et blablabla. De tous ces vieux principes à la con, il n'en a gardé qu'un. Il ne vend qu'aux pirates de la rue, pas aux terroristes. Cette limite, il ne la franchira jamais. Sinon, il estime qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Ils arrivent à destination. Et franchement, pas moyen de faire la différence entre les jeunes d'ici qui traînent en bas des blocs et ceux qu'il a croisés en centre-ville tout à l'heure. C'est peut-être ça la force de Marseille. Ici, tout le monde est marseillais. Dur de dire qui vient d'où. Même accent, même coupe de cheveux, même maillot, OM only. Tout est Kaira et ne l'est pas. Le discernement devient impossible. Et il se demande si la ville n'a pas réussi quelque part là où tout le reste du pays a échoué. À Paname, à l'accent et à la gueule, il peut dire d'où. Ici, il en serait incapable. Petit, viens voir, viens. Ouais. Tiens, tu vas la garer un peu plus loin. Oui, chef. Ouais. Posté en bas de la tour, les guetteurs chauffent. Ça charbonne dur. Ça fait longtemps que ça le fait marrer, les millions dépensés pour lutter contre la drogue dans les quartiers. Comme si les consommateurs venaient d'ici. Oh, le pingouin, là. Qui a visé le Starco, là. Il va au César. Salut, Freddy. Ça va, mon frère? Impeccable. Quoi? Ça, c'est pour prévenir quand il y a la police. Ouais, je sais. Mais le mot, c'est quoi? Le truc qui crie? Arra. Pigé. L'ascenseur va pas jusqu'en haut. Ok. Vas-y, assieds-toi. C'est bien. Vas-y, mets-toi à l'aise. Ah, oh, si, ça a l'air beau, ça. Je vais voir. Vas-y, vas-y, verse, verse. Merci, mon frère. Allez, santé. C'est bon, ce truc, hein. Et ton équipe? T'inquiète, ils vont pas tarder. Alors, ah ouais. Oh putain. Les deux ils jouent ensemble, les deux à nous. Il est où, Gignac? Pas facile, bien évidemment, de trouver un partenaire. L'angle du corner, c'est facile. Putain, je joue pas. Ah non, Manchi, quoi, quand Haaland a oublié. C'est mort, je joue pas, c'est mort. Mets-le le nez. Oh, vas-y, Kamara. Quoi, ce petit? Que les uns et les autres, vite devant. Ah là là, putain, qu'est-ce qu'il fout? Oh, oh, qu'est-ce que tu fais? Un homme vieux, là. Putain d'arbitre. Putain d'arbitre. Ça va, ça va. Enculé. Il est bien, là. Prise de balle de Riquier. Accident bien fait, cette permutation. Écoutez, ce petit beignet, il a audace. À la réception de ce centre, un petit peu de réussite, on le voit sur l'intervention de allez ce... Allez, mais t'as senti le passion. On est trop vieux, c'est grave. Ouais, ta semaine dit, c'est le couillé, le coulant, quoi. Aujourd'hui, c'était le couillé, mais... Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je te dirais, le match, t'aurais pu l'arrêter à 45 minutes, hein, c'était pareil. Hein. Le reste, quoi, c'était une fillette qui courait, quoi. Peur de merde. Vas-y, mon chat. Nous avons... Eh, ouais. J'ai fait un match. Allez. Moi aussi, ça. Ah. Une demi-heure plus tard, Freddy et le Comorien ont descendu la moitié de la bouteille et l'équipe n'est toujours pas là. C'est mauvais. Ça merde. Ils répondent pas. J'ai eu tort de lui faire confiance. J'aurais dû mettre un billet à des Tchétchènes pour descendre avec lui. Bon, mais ça va aller. On va faire ça à l'ancienne. Non, mais les balles sont à sa femme, alors il te dit fais attention en mettant le tien sur ta tête. Tu as compris? Bon, c'est. Oh, que tu veux dire? Je resterai derrière. On ne sait jamais avec ces deux types. Ils ont picolé. Oh, vas-y. J'ai les lombaires, cette position. Il faut absolument que je prenne un rendez-vous chez le kiné à mon retour. C'est la pire soirée de ma vie. Venir à Marseille et me retrouver à tendre une embuscade claquée dans un endroit aussi pourri. Et ça va, c'est quand même marrant, non? Ça fait combien de temps que t'as pas fait ça? Fais gaffe, tu vas le flinguer. Hein? Quoi? Non, le bas. T'es en train d'élargir avec ta tête. Sa femme, elle va gueuler. Ah merde, c'est vrai. Putain. Tu es prêt? Il se demande surtout s'il ne va pas se déplacer une vertèbre en se redressant. Le plan, rudimentaire, a été défini après le match de l'OM et la demi-bouteille de pastis. Le Comorien sort le premier et gueule ce qu'il veut. De toute façon, il aura une arme automatique en main. Et a priori, les autres comprendront. Lui et Freddy font le reste. T'es sûr que c'est notre stock? Pourquoi? Parce qu'ils sont des putains de RPK, comme en Corée du Nord. Non. On dirait les calages. C'est juste le chargeur qui joue. Putain, c'est pas notre matos, je te dis. Tu es sûr? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'en sais rien. Mais, c'est grave si on est dépouillé pour se rembourser. Maintenant qu'on est là, on n'est pas sûr de retrouver nos armes, alors autant prendre celle-ci. Ça se tient. Ok. Alors, on y va. Attends. Quoi? Les mecs, tu les connais? Ah non, moi je connais les ordres. Enfin, ce que je croyais que, qu'il y avait... putain, les ordres, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Con! Ils sont tous morts! Le Comorien a tout nettoyé. Vaillant, il est mort dans l'assaut. Un certain sens du timing. Cette fois, il a insisté pour conduire. Hors de question que Freddy se prenne pour Lewis Hamilton au volant d'un Vito rempli d'armes de guerre qui ne lui ont jamais appartenu. Je planque le camion. Je vais me prendre une suite Wilton, me faire couler un bain et dormir. Dormir. Et je rentre à Paris avec le premier train. Tu penses qu'il y a combien là-dedans? De l'oseille. C'est la première fois qu'il vole les autres. Il pense au Comorien qui est resté sur le carreau et fait promettre à Freddy de veiller à ce que sa famille ne manque de rien. Tiens, vas-y, tourne à droite. Dans l'ancienne zone industrielle, vas-y. Voilà. Ah, tu vois le panneau, là, tu tournes un peu. Sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. Voilà. Ah, tu descends tout droit, continue. Rien n'est éclairé et Freddy le balade dans les rues. Voilà, tu vois au platane et tu tournes. Derrière, tu passes à gauche. Voilà. T'as doucement. Voilà, voilà. Là, tu passes entre les deux bidons. Et là, tu vas tout droit. Jusqu'au bout, avance, jusqu'au bout. Là, parfait. Voilà, tu vas t'arrêter là, tu vois où il y a les caravanes. Tu vois. Oh petit, c'est moi, c'est Freddy. Tu l'enlèves ton bazar, s'il te plaît? Ok, ça marche. Le gamin enlève la herse. Un truc artisanal fabriqué pour crever les pneus des Condés. C'est comme si on nous attendait. J'aime pas vraiment les comités d'accueil. Voilà, bah, tout doucement, là, tu continues, vas-y, tu continues. Attention, le caddie, là, tu passes derrière, vas-y, tourne. Il manœuvre le van dans le quartier. À gauche, prends à gauche. Il voit, éclairé par les phares, les premières caravanes qui tiennent sur des parpaings. Des types font des tractions sur des structures en acier, en pleine nuit. Impeccable. Comment? Voilà, c'est bon. Il a l'arme en main. Oh, qu'est-ce que tu fous, putain ? Les deux autres sont nerveux, hésitent à bouger. Le sac. Hein ? Donne-moi le sac. Ça change la donne. Un momier, tiens. Allonge-toi. Toi aussi. Paume tournée. Histoire qu'il ne se relève pas tout de suite, le temps de remonter dans l'utilitaire et de coller la pédale au plancher. Un homme arrêté au milieu de la route, un fusil de chasse pointé sur le pare-brise. Il pousse un peu plus l'engin. Ça lui coûte juste un phare et un petit chaos au moment où la roue arrière piétine l'homme au fusil de chasse. Dans le rétro, il n'y a plus qu'une foule enragée et un pantin resté sur le carreau, une jambe derrière la tête. Tout va bien. Des armes, au moins 200 000 euros en liquide, une fourgonnette volée. Il ne lui reste qu'une seule chose à faire, partir avec l'oseille. Je fous le feu à la bagnole et je vais pioncer à la gare en attendant le premier train. Non, ils vont sûrement mettre des hommes là-bas. L'aéroport. Il déteste l'avion. Il sort son téléphone prépayé et compose le numéro qu'il connaît par cœur depuis 10 ans. Sa hotline à lui. Son sirop de la rue disponible H24. Bon, alors... Ça décroche. Et salut, c'est moi. Il veut seulement savoir une chose. Je veux savoir un truc. À qui il a volé les armes qu'il est en train de trimballer à 130... Ce que j'ai dans la camionnette, là. 150. C'est du matos coréen. Sur l'autoroute. À qui c'est ? Il y a une longue queue devant la boîte. Tiens. Ça fait longtemps que tu m'attends. Oh, pas si longtemps, là. Mais il y a certaines gens ce soir, hein. Ça doit être de l'argot marseillais. Pas grave. Mais d'où tu viens, toi? Parce qu'il y a certaines gens ce soir, hein. T'occupe. Tiens, encore habillé. Pour que tu arrêtes de poser des questions. C'est gentil, ça, hein. C'est bon pour vous. Vous rentrez. Merci. Merci. Il la plante au bar avec une siroque et lui se barre avec son coca qu'il descend d'une traite. Jamais d'alcool. C'est pas bon pour la vie en général et pour les emmerdes en particulier. Direction Le Carré. Que des voyous qui ont posé des magnums. Tu sais où est l'Indien ? Vous voyez les anciens là-bas, avec les cheveux gominés. Après la table des tondus ? Exact. Après les tondus, les joueurs de foot changement d'époque, comme au bal masqué. Celui qui a un dream catcher autour du cou. Un dream catcher. Pourquoi pas ? Comme à Marseille. Sors les calaches comme à Marseille. Et là, partout dans le club, il voit des breliques levées en l'air. Personne ne tire, ce n'est pas encore le Far West. Mais les 11-43 dansent plus que leurs propriétaires, ça c'est certain. Il doit attendre la fin de la chanson, serré contre des enragés en espérant qu'un geste brusque ou qu'une gâchette trop sensible ne lui fera pas partir une balle dans le pied ou dans la colonne, parce qu'il l'aurait sacrément mauvaise. marche jusqu'à la table et s'assoit. Comme ça. Comme si c'était lui qui avait posé les bouteilles et payé les putes. Personne ne bouge. Il n'est pas défoncé et porte toujours un costume. Donc, il sait ce qu'il fait, hein ? Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu t'es fait braquer ta livraison du soir. L'Indien plisse les yeux. Touché. Doumé, vérifie tout de suite. Ok, patron. Je connais le mec qui te l'a braqué. C'est qui ? C'est moi. Et t'es qui, toi ? Personne. Je suis juste un mec qui fait le même business que toi. C'est quoi ton nom ? J'ai pas de nom. C'est quoi ton putain de nom ? N'en ai pas. Comme toi. L'Indien, c'est pas un vrai nom. Non, c'est un surnom. Ah, tu vois ? Alors c'est quoi ton surnom ? Comment on t'appelle ? J'en ai pas. On m'appelle pas. Il semble plus préoccupé par le fait de suivre la conversation et être sûr de comprendre tout ce qui se dit que par le reste. Attends, les gars, ils répondent pas. Normal, ils sont morts. Où sont mes armes ? Dehors, sur le parking. Je te les ai ramenées. L'Indien ne comprend plus si c'est la Celra qu'il a dans la tête ou autre chose qui fait que... Ouais, sans doute autre chose. Bon. Je comprends rien. Tu veux mourir ? Non, je veux te rendre tes armes et récupérer les miennes. On fait affaire ? M'en veux pas pour tes gars. Ils sont tombés sur un Comorien un peu nerveux. C'est le mec Toub. Pourquoi l'Indien ? Je veux dire, ça se voit que... Enfin, t'es pas Indien. Ni des Indes, ni d'Amérique. L'autre lui montre son Dreamcatcher. Tu vois ça ? C'est un cadeau des Comanches. Pourquoi faire ? Attraper les rêves. Contrer le mauvais œil. Tu pouvais pas mettre une main de Fatma comme tout le monde ? Je suis avec eux maintenant. Je ne mange pas avec les chiens, je chasse avec les loups. Tiens-moi le volant une minute. Il sort une fiole de coke et en saupoudre le volant. Comme du sucre glace sur une gaufre, il s'en fout partout. Attention au virage. Ah, c'est bon. Ah, j'en ai mis partout. T'es sûr que ça va ? Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ça veut dire quoi ? Qu'on va leur niquer leur grand-mère à ces enculés. Putain, qu'est-ce qu'ils ont ici avec la conduite ? L'Indien coupe brutalement les phares. Qu'est-ce que tu fous, putain ? On voit rien, là. On fait quoi si on se fait contrôler ? Mais ils nous suivent déjà. Ils sont toujours là. Je brouille la piste. Comme l'aigle royal. Ne me fais pas confiance. Fais-lui confiance. La conduite ne devient qu'un jeu de hasard. Les véhicules les doublent, parfois sans les voir. Toi, tu ne risques rien. Tu es déjà invisible. Tu es personne. Sans nom. Laisse-moi avoir le droit au repos. Il décide de fermer les yeux et de remettre sa vie entre les mains de la nation Comanche et de son antenne méditerranéenne. Ils ont pu avoir l'adresse de Freddy rapidement. Tout le monde connaît tout le monde ici. Ce petit enculé, il fait la fête! Il fait la fête avec mon oseille! Oui, il s'est bien gardé de lui dire pour l'argent. S'il lui avait rendu et les armes et la thune, peu probable que l'Indien l'aurait accompagné jusqu'ici. Il se serait contenté de le descendre. Après tout, il est tellement défoncé, même quand il a rien pris. Je me suis peut-être trompé sur lui. On va les faire! gars, ils sont où? Je les ai renvoyés chez eux. Pourquoi? Parce que ça se joue entre toi et moi, ok? Respecte ça, putain. Entre toi, moi et lui. Entre lui et toi. Si tu respectes pas ça, alors tu respectes rien. Merde! Ok, ok, on fait comme tu veux. J'aime cet esprit-là. J'aime cet esprit-là. Je sais, mais je veux juste te prévenir. Peut-être qu'ils sont nombreux là-dedans. J'espère qu'ils sont nombreux. Tiens, tu prends deux grenades. Non. Allez, putain, arrête de me fatiguer. Je dois savoir quel est ton animal avant d'aller faire la guerre avec toi. Mon quoi? Ton animal. Ton animal totem. J'en sais rien, moi. C'est à moi de choisir. Non. T'as pas à choisir, tu as à savoir. Bah, je te le dis, j'en sais rien. Tu es un corbeau. Non, non, non, non, non, tu es une chouette. Tu es la chouette. L'Indien sait soigner ses sorties. La maison s'étale sur un seul niveau, le long d'une portion de corniche. Ils sont maintenant comme deux cons, avec des fusils aussi grands qu'eux et bien trop lourds, figés devant la porte. Je vais tirer à travers la porte. Non, attends. Il ne croit pas à ces conneries de totem et de chouette, mais il sent quelque chose entre eux quand ils se déplacent, une façon de balayer les angles morts, de se couvrir l'un l'autre avec autant de grâce que Tubbs et David Crockett à la grande époque. Là, ça pend moins. Dommage. Putain, comment il a pu se payer une baraque comme ça avec ses 10%? Ou bien une Munich depuis le début, ou bien c'est moi qui suis déformé par les prix de l'immobilier à Paris. Tous déchirent dans la pièce. Ne vole que les miettes d'un monde qui n'a déjà plus le souvenir d'avoir existé. Bon, ça lui fait du bien. Enfin, on dirait. Voilà, c'est fini. Il arrache le câble de la sono du bout de son pied pour ne pas laisser d'empreinte. De tout ce qu'il a vu de sa vie, qui commence un peu à durer, vu le métier qu'il a choisi, c'est ce qui ressemble le plus à un carnage. Stop. L'autre s'arrête. Se rend peut-être compte qu'il vient de balancer 75 bastos de 7,62 dans un espace bas de plafond. Mais ça, c'est même pas sûr. C'est lequel, Freddy? Bah, j'en sais rien. Je reconnais pas ses fringues. Il est pas là. T'es sûr? Putain. Ils devaient tous mourir. En pleine lumière, il est encore plus flippant. Mais je m'en fous d'eux. Je vais juste récupérer mon matos. Je pense que les Condés vont pas tarder. Tu crois qu'on a entendu? Même avec la musique? Putain, c'était Fallujah, là, juste ici, à l'instant. C'était Little Big Horn. Faut trouver Custer. C'est bon, les gars, j'ai trouvé du Jack Miel. C'est lui? Ah merde, mon chargeur est vide! C'est lui qui s'en est chargé. Sa deuxième balle de la soirée. Il a visé les jambes, mais avec le recul, la balle a frappé Freddy dans le dos. Précis comme la chouette. Enfoiré! Appelle une ambulance, s'il te plaît. Appelle une ambulance. Où sont mes flingues? Je sens plus rien. Appelle une ambulance, s'il te plaît. Mes flingues d'abord. Dans le garage. Tu planques mon matos. Une ambulance. Dans ton putain de garage. Tu es sans pitié. L'Indien regarde la lumière à travers les fils du Dreamcatcher qu'il a brandi. La chouette. Comme ça, l'Indien ne lui posera pas la question. La réponse, parce que je ne partage pas. Je vais récupérer ce qui est à moi et voler ce qui est à toi. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je peux le faire. Il a l'impression d'avoir fait du sport en costard. Donnerais cher pour une douche, mais hors de question de pointer dans un hôtel. C'est déjà un miracle qu'il ait survécu à cette nuit. Votre café, monsieur. Pour la première fois depuis son arrivée, il se dit que Marseille est une ville qui ne ressemble pas aux autres. Je ne remettrai plus jamais les pieds. Je veux que je vais le voir, le coca. Putain, je vais me régaler, je te le dis, hein. 6 journées, ça perd, tu as tout perdu, même l'entraîneur. Il a loué un box pour un mois. Il a planqué le van à l'intérieur. Le temps qu'il se donne pour trouver des acheteurs sur place. Il fera la transaction depuis Paris. À la maison, tranquille. Les voyages, c'est fini pour le moment. Tant pis pour la prochaine fois. Il ne va quand même pas mourir pour des armes. Un corbeau. Un corbeau marseillais. L'Indien s'est trompé. Mauvais totem, meilleur sort. Il fait un clin d'œil à l'oiseau, complice, avant de prendre le sucre qui repose dans sa soucoupe et de le lui balancer à la gueule. Juste pour qu'il ne s'habitue pas au traitement de faveur. C'était « Là-bas, c'est Marseille » de Jérémy Guèze. Adaptation, Michel Sidorov. Le narrateur, Olivier Cruveillet. X, Daniel Carraz. Freddy, Martin Amic. L'Indien, Marc Léonian. La cagole, Nathalie Blanc. La serveuse, Aurore Soudieu. Doumé, Clément Laguarde. Le Comorien, Seuf El Badawi. Et les voix de Édouard Michelon, César Duminil, Boris Raven, Bilal Abdallah, Belaïd Boudelal, Kamel Isker, Geoffroy Vernin, Alexandre Ionescu, Lola Roskis, Marion Verstraten, Fanny Aubin, Johanna Boyer. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Leslie Menahem. Réalisation, Michel Sidorov. Remerciements à la SNCF et aux bars et restaurants marseillais, Camille, Nulle part ailleurs, et chez Maddy, les Galinettes. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.